La nuit des temps, Radio Duo. Le père de Prince était plâtrier et sa mère assistante sociale. Mais le soir, John jouait du jazz pendant que Matty chantait dans les clubs de Minneapolis. À 15 ans, Roger Nelson, leur fils, monte déjà un groupe. Peu de temps après, il frappe à la porte du Moon Sound. C'est là où on enregistre des pubs pour des radios dans la ville. Impressionné, Chris Moon, le boss du studio, lui offre des heures d'enregistrement contre la réalisation de spots de pub. Prince se met alors à travailler seul et comme un dingue. Il joue de tous les instruments et produit des maquettes. Toujours impressionné par le talent du kid, Chris Moon organise une rencontre avec un agent artistique. Ensemble, ils élaborent une stratégie complètement folle, rajeunir Prince de 2 ans, le faire passer pour le nouveau Stevie Wonder et exiger la totale indépendance artistique. Encore plus dingue, la Warner dit banco pour 3 albums. Prince a alors 18 ans, il enregistre son premier LP. Et dès les premières prises, la Warner se met à douter. Confier à un gamin la production de son propre album, ce serait pas un peu dingo ? La major cherche à imposer le génial Maurice White des Earth, Wind & Fire pour les séances d'enregistrement, mais Prince refuse net. C'est trop disco, c'est trop daté, et puis les cuivres, non merci. Lui, il veut jouer des synthés. Nous sommes le 7 avril 1978. Les tout premiers sons de Prince enregistrés. Oh, Deux ans avant, en 1976, le jeune Prince écoute en boucle le génial album de Stevie Wonder, Songs of the Key of Life. Et c'est un choc pour Prince. Stevie Wonder se libère des chaînes de la Motown, acquiert une liberté artistique totale et impose à son tour les synthétiseurs. Et bien des années plus tard, à Paris, il fallait voir Prince, à 52 ans, monter sur scène derrière son mentor, timide, ému aux larmes. Rosebuds know the bloom in early May. Just as hate knows love's the cure, you can rest your mind for sure that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as all that's born is new, do know what I say is true, that I'll knows no shame, nothing for your joy and pain, but I'll be loving you always. As the day I know I'm living, but tomorrow could make me the past, for that I mustn't fear, for I'll know deep in my mind the love of me I've left behind, 'cause I'll be loving you La nuit des temps, l'international de la danse. Dream of life and life beyond a dream. traverser les jeudis soirs de Radio Duo. Et ce soir, c'est un spécial Prince. Octobre 1979. Prince pose épaules nues, visage droit dans le viseur, moustachu, une permanente gonfle ses cheveux et pour la première fois il se montre androgyne. Aujourd'hui, on dirait fluide. Son second album sera vendu à plus d'un million d'exemplaires. I Feel For You. Me. Prince troublera sa masculinité en poussant au maximum ses côtés féminins. Voix, gestes et fringues folles. Mais surtout, il mettra en avant des musiciennes. Et pour peu qu'elles excellent sur des instruments considérés comme masculins, bingo. Et c'est le cas de Shi Ellaï avec ses percussions. La nuit des temps, Radio Dieu. A commencé sa carrière de percussionniste dans le jazz et le funk avec George Duke, Marvin Gaye ou Herbie Hancock. Mais c'est avec Prince qu'elle apprendra à croiser les rythmiques avec des roulades afro-cubaines. Les kungas, les cloches à vache, les timbales, les claves. Tous ces instruments afro-cubains se mêlent génialement à la Lin LM1. c'est la boîte à rythme préférée de Prince. Et elle était raide à programmer cette boîte à rythme. Stevie Wonder disait de Prince qu'il avait réussi le prodige à faire groover cette Ellen LM1. Shilahi tiendra la batterie sur les tournées de Sign of the Times en 1987 et Love Sexy en 1988. Et pour l'avoir vu à l'époque, Prince lui laissait la part belle pour des solos démoniaques, comme le veut la grande tradition du jazz. Mais surtout, c'était elle qui portait la rythmique du groupe. Elle finissait par composer un duo charpenté avec Prince, qui permettait au live de décoller vers les sommets. Shilahi aujourd'hui bosse avec des musiciens comme Hans Zimmer pour des musiques de films. Elle aimait faire le show. Et vraiment, vraiment, ses lives étaient incroyables. Nous sommes en 1984. Prince produit Shilahi, The Glamorous Life. Is that my echo? Give me the straighter one. You turn the lights down, somebody? Good God! Finalement, Prince dormait assez peu. Le soir venu, dans son studio à Paisley Park, il pouvait descendre dans ce qu'il appelait la cave et enregistrer ses démos. Nous sommes en 1983. Prince s'installe au piano, demande à un ingénieur du son qui l'accompagne de baisser la lumière, mieux régler sa voix, lancer les bandes. Voici 70 Days, qui sera la face B du single Wind of Cry. Nous sommes dans la période Purple Rain. Il travaille, il enregistre, c'est du blues. Yesterday, you didn't answer your phone. paychecks, knowing that you probably weren't alone. Turn the voice down a little. Wanna call you every day, beg you to be near me. I know your head is underwater. I doubt that you could hear me. Let the rain come down, the rain come down. Let the rain come down, down. Let the rain come down, the rain come down. Let the rain come down, down. Long nights, major, and knowing that you're holding someone else tight. I wanna call you every day, beg you to be near me. I know your head is underwater. I doubt that you could hear me. Let the rain come down. Écoutez Radio Duo et ce soir c'est Prince. Big long, 17 days, 17 long nights. Oh, it's a drag, babe, I know, holding up a nigga tight. I wanna call you every day, beg you to be near me. I know it's underwater. Doubt that you can hear me. Let the rain come down. Come on down. Let the rain come down, down. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Come on down, yeah. Come on down, yeah, baby, no. Yeah, yeah, come on now, yeah, Minneapolis. Where? Yeah, I mean, this is not the kind of music that comes from Minneapolis, Minnesota. No. Thousands. Moments will be with you. Thousands? No. Literally, do you play all the instruments? A lot. If that is the case, then... Oh, I know. If you're out traveling, then you've got to have backup people. Are these people the ones that travel with you? What are your plans for travel? We have a tour coming up in a few weeks. Well, we'll look forward to it. We thank you all very much for joining us. What's the name of the next song? Why You Want to Treat Me Ladies So Bad. Ladies and gentlemen, all right. Ladies and gentlemen, Prince. This is Prince. La nuit des temps, l'international de la danse. Nous sommes toujours en 1979 avec un extrait du second album de Prince, It Gonna Be Lonely. Et ce titre a été sélectionné par Tonton Vincent ce soir. Don't you love me? I know I'm. Oh, yes, time to have a soul attack. Oh, yes. Greetings and salutations, ladies and gentlemen. I'm your MC, Danny Ray, and I'd like to say, right about now, it is star time. Introducing at this time, a man that has became a living legend in his own time. A man has given the world over 44 golden soul classics. Among these classics are such tunes as Try Me Out of Sight. Piper's got a brand new bag. I feel good like a sex machine. We want to thank each and every one of you for one of the biggest, baddest disco tunes of the year was entitled Body Heat. But we also like to thank a lot of wonderful beat DJs and a lot of beautiful people like you this afternoon for one of the fastest, hottest rising tunes of the decade was entitled Get Up Off Your Thing. And that's what I want everybody to do, is to stand up. Stand up on your feet. Everybody, come on. Get up off that thing. Everybody, stand up. Stand up on your feet. Hey, hey, baby. Yeah. Baby. Yeah. Everybody, let's call the king of soul himself, James Brown. James Brown. James Brown. James Brown. James Brown en 1977 et en live, un an avant la sortie du premier album de Prince. Get up off that thing, try to lose that pressure. I want the monkey to hold you, give me the monkey to hold you. Wonderful. La scène pour Prince, c'est l'espace où sa part créative peut s'exprimer pleinement. Instruments, chorégraphie, les vêtements qu'il dessine et fait coudre dans son studio, lumière, architecture. Tous les musiciens qui ont joué avec lui considèrent qu'il les surpassait sur tous les instruments. James Brown, son mentor pour la scène, ou dans un autre esprit, Cab Calloway pour les big bands de jazz, Prince fait le show et cherche l'incandescence en trouvant le bon tempo, en improvisant avec son groupe et toujours avec une justesse incroyable. Il joue sur les durées, il pousse le public dans les derniers retranchements de la frustration et lâche le groove lorsque vraiment ce n'est plus possible, lorsque vraiment on est au bout du bout, lorsque le point G du rythme est parfaitement atteint. À Syracuse le 30 mars 1985 et le concert bascule dans le rite total. Take me with. Au début de l'année 1982, Prince achète un tout nouveau matériel, un pour un studio 24 pistes, et il l'installe dans sa maison de Minneapolis. Ce sera la première pierre d'un projet qu'il construira après le succès de Purple Rain, Paisley Park. Et Paisley Park, contrairement aux maisons géantes construites par Michael Jackson ou Elvis Presley, c'est d'abord pour lui un outil de travail. C'est une factory, un complexe de studios où bosser jour et nuit. Prince veut produire en liberté et maîtriser tous les aspects de son œuvre. Il y aura des studios d'enregistrement, une scène pour répéter devant du public, des studios télé pour réaliser des clips, un atelier de couture pour les costumes, bref, un endroit où créer et répéter jour et nuit. La structure doit se financer en bossant aussi pour d'autres artistes. Et puis, avec la création de son label, Prince a bien l'idée de créer un mini Motown, un label à sa main pour produire beaucoup, beaucoup, beaucoup de sons. Mais nous sommes en 1982 et Prince, avec son nouveau matériel, donne libre cours à toute sa créativité. Il explose littéralement, comme si enfin il était raccord entre ses envies et la technologie. Hyper curieux, il bosse comme un dingue ses nouveaux outils mis à sa disposition. Et encore une fois, il est seul. Il produit, il compose, il arrange, il joue de tous les instruments et il chante. Fin 1982 sort un double album absolument génial, 1999. Souvent, ce double album est considéré à tort comme un brouillon de Purple Rain. On peut aussi l'écouter comme un premier aboutissement. Ce moment rare où un artiste se trouve. Un coup de génie absolu et généreux. C'est l'histoire d'un rêve. Un grand rêve. Un rêve pendant lequel Prince se voit dans une fête et ça se passe comme si c'était en 1999. On nous promet l'an 2000, mais nous sommes en 1999. Peu de temps avant l'apocalypse. Et c'est ainsi qu'on doit faire la fête. Faire la fête comme si c'était la dernière fois. La nuit des temps, Radio Duo. Je rêvais quand j'ai écrit ça. Donc arrête-moi si je vais trop vite. Mais la vie est juste une fête. Et les fêtes ne sont pas faites pour durer. Prince avait aussi un certain talent pour créer de la mélancolie, pour le slow qui sucre et qui bave, mais toujours tordu par un romantisme d'une autre époque. C'est comme pour ses vêtements pendant sa période Purple Rain. Il porte quelque chose de noble et sentimental, mais totalement hors mode. Plus un soupçon d'androgynie à moustache, hyper masculin et hyper féminin. Il invente même des personnages, comme des doubles, comme Camille lors de son double album et chef-d'œuvre Sign of the Time. Le tout est souvent pimenté par le sexe, et ça fonctionne, son romantisme slow, surtout aussi lorsqu'il est repris par quelqu'un qui va prendre un titre dance de Prince pour en faire une version mélo. Et c'est le cas de I Will Die For You, repris au pied de la lettre par Holly Humberstone. Nous sommes en 2020, c'est-à-dire bien longtemps, fort longtemps après l'original. I will die for you. I'm not your woman, I'm not your man. I am something that you'll never understand. I'll never beat you, I'll never lie. And if you're evil, I'll forgive you by and by. Cause you, I would die for you, darling. You're just a sinner. yes, I am love. All I really need is to know that you believe. Quelle est l'influence des débuts musicaux de Prince chez les producteurs aujourd'hui? C'est assez marrant de voir qu'il reste surtout inspirant dans le hip-hop et la house, alors que Prince est passé complètement à côté de ces deux univers musicaux. C'est le cas de Moody Man qui voue un culte à Prince, à tel point qu'il a chez lui toute une pièce avec des rideaux violets. Et nous sommes en 2014. Le choix subjectif des influences a été établi par Gérald Petit, qui a publié un petit bouquin formidable sur Prince. Alors quelle influence aujourd'hui? Eh bien, il liste Dr. Dre, The Roots, Timbaland, Beyoncé, Jay-Z, Kanye West, Rihanna et D'Angelo. De mon côté, j'ajouterai un zozo comme André 3000 ou encore toute une partie de la nouvelle scène jazz de Londres aujourd'hui. Thank you. stayed drunk. You freaky motherfucker. Good morning, Chip. Take a look at your window. The world has fallen. Dans l'enregistrement de son album 1999, Prince forme un groupe autour de lui. Ce sera The Revolution. En même temps, il adopte une manie bizarre. Il prend des notes dans un carnet avec une encre violette. Ce sera la touche finale pour bâtir le son de Minneapolis. Un son fait de boîte à rythme, de dance et qui permet au funk de faire un bond en avant comme jamais, tout en gardant les bases posées par des musiciens comme George Clinton et son psychédélisme, la liberté de Stevie Wonder ou la mitraille rythmique de James Brown. Better love each other. Better love each other. Dance. Le projet Purple Rain sera dément et mégalo. Il consiste à réaliser rien de moins qu'une œuvre totale avec un film dont on peine à déterminer s'il s'agit d'une série Z ou d'un chef-d'œuvre absolu. Une certitude, le résultat est unique et fantastique et va tout fracasser autour de lui. Il s'agit aussi d'une bande originale de film qui va devenir un standard lui aussi absolu malgré son côté hors norme et expérimental. Et puis d'une tournée démentielle, tant au niveau des musiciens, de la chorégraphie que des costumes qui empruntent au XVIIIe siècle. Purple Rain sera un succès, 22 millions d'albums vendus dans le monde. Prince devient non seulement une star planétaire, mais la presse crée un duel entre Michael Jackson qui triomphe avec son album Thriller et Prince avec son Purple Rain. Si l'un est produit par Quincy Jones et fait l'unanimité, Prince fabrique son do-it-yourself tout seul dans son coin, qui clive, qui provoque et qui sexualise. Listen to the rhythm of your soul. One thing I'd like to say is that I don't live in a prison. I'm not afraid of anything. I haven't built any walls around myself. I'm just like anyone else. I need love and water. And I don't really consider myself a superstar. I live in a small town and I always will. Because I can walk around and be me. That's all I want to be, that's all I ever tried to be. To all his good brothers, the wise one spoke highly of his muse, because her love for the one true God was growing with every passing day. So he said to all a good night, set them to bed early and invited his muse to join. Carrière pour Prince sera l'occasion pour lui de définir ses propres règles du jeu en termes de production. Mais c'est aussi l'histoire d'une immense solitude dans ses studios, la nuit, pour inventer des sons, des personnages, ses doubles, des femmes, des hommes, peu importe. Il est même allé par la suite jusqu'à effacer son nom. Prince, c'est une sorte de punk dans le funk. C'était produit, arrangé, composé et interprété par Prince comme il aimait les signer sur son album et sur tous ses albums. Autour du kit de Minneapolis, ce soir, dans la nuit des temps, nous avons accueilli Stevie Wonder pour sa liberté, Shilahi pour ses percussions latino, James Brown pour avoir ouvert la voie, Edith Underground et ses bidouillages mélancoliques, Holly Humberstone avec sa sublime reprise de I Will Die For You, Moody Man qui poursuit avec génie le même chemin, et un grand merci à Gérald Petit qui a publié l'année dernière une biographie très personnelle de Prince aux éditions Les Pérégrines, c'est vachement bien, et bien entendu Vincent Lecomte pour ses archives sonores et ses doigts de fée qui ont encore fabriqué des mixages dignes de Prince. Dans quelques instants, trois bonus surprises pour fermer les portes de notre bon vieux club, la nuit des temps. Alors oui, on lève les yeux vers le ciel de Saint-Étienne sous la neige et on aperçoit tout au loin, c'est sûr, une étoile, celle de Prince. Et elle brille dans le ciel et elle est couleur purple. Buona notte sur Dio, à la semaine prochaine. Salut! Donc, on commence dès maintenant. On a un capot à la troisième frette et on va faire un bon vieux sol majeur avec nos deux doigts en bas ici, s'il vous plaît. Pour le rythme, on va prendre un genre de rythme balade. Bas, bas, au bas, au bas, bas. Très, très lent. Peu importe, si vous prenez pas ce rythme-là, prenez quelque chose qui est très espacé, OK? Ta, ta, ta, tam, tam, ta, tam, banana, ta, ta. OK, imaginez-vous un gros drum des années 80 pour ça. Boum, bah, tu, boum. Respectez ça, aérez votre rythme, mais le rythme balade que je monte dans le cours Zéro Aéro est parfait pour cette chanson-là. Donc, on commence avec un sol. I'd like to dedicate this to my father, Francis L. It's a song the girls in the band wrote, Lisa and Wendy. We'll be right back. I just won't get paid. These are the days when you wish your bed was already made. It's just another manic Monday. Ooh, ooh, I wish it was Sunday. I'm too old to be frontin' when I'm feeling Denzel and acting like you ain't appealing when you are. Stuntin' like you ain't my only girl when you are. waiting to stop when you are. We're alone, never mind it for showing off. I was just front. You know I want you, babe. I'm ready to bet it all unless you don't care at all. But you know I want you. You should stop front, babe. Come on, ho! Leaving now. I'm gonna see you later. I'm gonna sneak through.